sillonne et s'aggravit dans le système des trois barils. On défait le monde et on le ravit, poussière d'étoiles dans la pupille. Le feu crépite d'étincelles, une voie lactée dans nos cervelles. Ramasse, ramasse jusqu'à l'orbite, la solaire et météore. La tête dans le four, chassons les nuages. Il est trop tôt pour être sage. La tête dans le four, lumière normale. Cavale d'un jour, je m'évade. Matin, nos faces de lune témoignent du choc avec Neptune. C'est le Big Bang au fond de nos crânes. Les Vénusiens font du tam-tam, tam. Alors on se dit plus jamais ça. Éclipse totale, faut filer droit. Mais une comète à l'horizon se profile dans notre constellation. La tête dans le four, chassons les nuages. Il est trop tôt pour être sage. La tête dans le four, l'humeur normale. Cavale un jour, je trop tôt pour être sage.